L'actualité à Nancy et ailleurs. Les grands moulins de Nancy se dévoilent à travers une exposition. C'est aux archives municipales jusqu'au 11 octobre. Éric Monnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de l'atelier de vie de quartier Rives de Meurthe, l'atelier de vie de quartier qui organise cette exposition. Tout à fait, oui. C'est suite à 2 ans de collecte de témoignages et de documents. Et cette collecte perdure encore. Voilà, parce qu'après la fermeture en 2022, il y a une dynamique qui s'est créée autour d'anciens salariés et des habitants du quartier. Tout à fait. Quelque chose qui tenait au cœur à beaucoup de monde, de garder la mémoire. Donc pendant 2 ans, à la MJC Bazin, tous les samedis matins, il y avait une équipe qui a récolté la mémoire des ouvrières. Que peut-on découvrir alors grâce à cette exposition ? Alors cette exposition, elle retrace le passé historique des Grands Moulins et du quartier, ponctué d'anecdotes et de témoignages. Il y a bien sûr des photographies, des films, des textes, des extraits sonores. Les Grands Moulins, ça existe depuis 1115 en fait. Il y avait déjà des traces qu'on appelait les Grands Moulins. Et après, il y a eu le premier Grand Moulin qui a été fait par Simon Bouchotte et Villegrain, qui a été détruit partiellement un incendie en 1944, pour après être reconstruit par les frères André. Et après, on a des témoignages de gens qui ont travaillé dedans, donc on a des chauffeurs, on a des gens qui étaient à tous les postes, des gens qui ont travaillé sur les livraisons, sur la vie du quartier, parce que ça représentait énormément de monde en fait, qui était tout autour de ce domaine-là. Et en plus, on a aussi un petit focus sur la voie ferrée, sur le canal, sur l'eau, parce que c'est une présence importante entre Meurthe et canal. Et on avait un passé industriel incroyable, je veux dire, on a des usines industrielles très connues. Et il reste encore Dôme, par exemple, qui fonctionne, mais il y en a d'autres qui ont disparu et on a mis aussi quelques photos de ces entreprises. L'exposition, elle est présentée sous forme d'une fresque qui va du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et avec aujourd'hui, la chance d'avoir des témoignages d'ouvriers qui témoignent sur différents points, en fait. Et puis, que ce soit souvent les petits-enfants ou les enfants, parce que c'était de père en fils, souvent, qu'on travaillait au Grand Moulin. C'est assez émouvant. Vous êtes coprésident de l'atelier de vie de quartier. Quel est votre lien avec les Grands Moulins ? Alors en fait, moi je suis plutôt jeune, donc je n'avais pas forcément connaissance en dehors du bâtiment. Et c'est vrai que beaucoup de gens, à la fermeture, disaient oui, est-ce que ça va être démoli ? Est-ce qu'on va en garder une trace ? Et en fait, les personnes, en même temps que leurs témoignages, ont amené des documents. Il y a des gens qui s'y sont intéressés. Il y a eu une thèse qui a été faite sur aussi le quartier. Donc en fait, on s'est aperçu de l'ampleur que ça avait. À l'époque, il y avait déjà la mondialisation parce qu'ils exportaient en Égypte. Il y a eu cette tragédie quand ça a brûlé, parce que c'est là qu'on apprend que de 275 grammes de pain par jour, les gens étaient descendus à 150 parce qu'il n'y avait plus de production de farine. Et tous ces témoignages, il y avait des gens qui hésitaient à traverser le pont pour aller à Nancy même, considérant qu'ils avaient déjà une ville au niveau de Meurthe-Canal. C'est toutes des images et toutes des histoires, des mémoires qu'on ne peut pas imaginer en fait tant qu'on n'a pas discuté avec ces personnes-là. Ça fait comme si nos grands-pères et nos grands-pères nous partageaient au coin du feu leur expérience de vie. Cette exposition, c'est l'aboutissement donc de 2 ans de travail, de récolte, de réunions, de conférences aussi. Au-delà de cette exposition qu'on peut voir et qu'on n'hésite pas les auditeurs à aller visiter aux archives municipales jusqu'au 11 octobre, est-ce qu'il y aura d'autres événements après ? Alors la suite, ça va être la rédaction d'un livre. On a une sociologue, Anne Jadot, qui travaille dessus, justement, au travers de tous ces témoignages récoltés. Là, l'exposition, c'est à peu près 20% de la récolte qu'on a eue. Donc ça fait qu'il y a encore 80%. Et là, elle va le développer dans le livre et le remettre dans le contexte historique et sociologique de l'époque. Ça va être une riche information. Et on aura l'occasion certainement de relayer aussi à la radio cette exposition « Les Grands Moulins de Nancy » à voir jusqu'au 11 octobre aux archives municipales. C'est peut-être aussi une étape, une renaissance pour ce lieu que vous espérez ? L'avenir, on ne le connaît pas exactement. C'est une structure qui est privée, donc ce sera des investissements privés, mais probablement, la ville de Nancy, elle souhaite qu'il y ait des logements, qu'on garde le bâtiment principal, peut-être un petit peu de commerce. Alors après, c'est dans les souliers de Vivestia, donc qui est propriétaire et qui doit le vendre à des investisseurs immobiliers. Pour l'instant, rien n'est fait officiellement, donc on n'est pas dans les petits souliers pour pouvoir en parler. On se permettrait pas. Bien sûr. En tout cas, une histoire tellement riche qui date du Moyen-Âge jusqu'à 2022, date de la cessation d'activité, cette exposition, on le rappelle, aux archives municipales jusqu'au 11 octobre. C'est ouvert, on peut la voir de quelle manière et à quel horaire ? Alors le lundi et le jeudi de 14h à 16h30, c'est en visite libre. Il suffit de sonner tout en bas du bâtiment parce que les accès sont sécurisés. Et autrement, bah, c'est possible en téléphonant aux archives au 03 54 50 60 70 de demander une visite spécifique pour réperversion. On organise pour certains groupes, en fait, s'ils le souhaitent, on peut organiser des visites commentées qui permettent d'avoir des explications supplémentaires aux éléments qui sont déjà exposés. Et si des personnes qui nous écoutent prendraient connaissance de cette exposition et du fait que vous récoltez toujours des archives, il y a moyen de vous contacter comment ? Vous pouvez nous contacter, le mieux c'est par mail à rivedemeurthe.avicu, rive avec un S, .avicu@gmail.com. Pour contacter l'atelier de vie de quartier Rives de Meurthe. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Éric Monnet. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.